ma vie, je porterai cette cicatrice qui me réveille en pleine nuit. M'a volé ma joie de vivre ici. L'amour n'a pas de prix, mais la violence est gratuite. Mon cœur est sur messagerie, gros, parle après le bip. J'étais l'enfant seul à l'école, assis au fond de la classe, à côté de personne. Les conflits parentaux dans le cartable. Hier soir, maman s'est fait boxer par papa. Malgré ça, j'étais premier de la classe. Jamais je n'ai accepté qu'on me traite de sale noire. Maman travaillait tard, elle avait deux boulots. Elle voulait plus qu'ils nous enlèvent l'électricité ou l'eau. Et comme elle rentrait tard, j'aimais traîner le soir. J'ai fait les 400 coups avec mes potes au tiers-quart. Et c'est triste à dire, mais j'y ai laissé des plumes. C'est mon vécu, mes blessures, mes cicatrices. Les blessures de la vie laissent des cicatrices. On a du mal à s'aimer à cause des cicatrices. Les hommes se cachent pour pleurer leurs cicatrices. Cicatrices. Cicatrices. J'ai grandi, perdu mon innocence. J'étais comme Adidas, j'aimais traîner en bande. J'ai perdu du temps, j'ai perdu du sang. Le triple 6 me tente, mon grand frère me manque. J'attends la princesse qui soignera mes blessures. J'ai une couronne d'épines, on m'a trahi comme Jésus. Comprends pourquoi je fais confiance à personne. J'sortais avec une meuf qui m'a trompé avec mon pote. Je vis renfermé sur moi-même. Je suis conscient que ça fait de la peine aux gens que j'aime. Mais cette carapace me protège des gens. Car j'ai compris que l'être humain est méchant. Naïf au départ, aigri à l'arrivée. J'arrive même plus à m'amuser le soir. Je pleure des larmes alcoolisées. Mon fils vit à 600 bornes, ça me rend ouf. T'imagines pas à quel point j'en souffre. Cicatrices. Les blessures de la vie laissent des cicatrices. On a du mal à s'aimer à cause des cicatrices. Les hommes se cachent pour pleurer leurs cicatrices. Cicatrices. Cicatrices. Éclairé par les gyrophares, je marche dans la nuit. J'ai traversé la tempête, le froid et la pluie. Le monde m'a rejeté, alors j'ai rejeté le monde. Je vis dans l'ombre, muet comme une tombe. Mes douleurs sont peu bavardes. J'ai personne à qui en parler. Souvent les mains tendues sont des poignards. Disque d'or en problème. Un jour j'atteindrai le nirvana comme Kurt Cobain. Je vous jure j'ai bon cœur, mais le monde est moche. J'aimerais ne pas le voir comme Stevie Wonder. Mon sourire rare comme un 29 février. Maintenant je sais pourquoi les hommes se cachent pour pleurer. De la vie laisse des cicatrices. On a du mal à s'aimer à cause des cicatrices. Les hommes se cachent pour pleurer leurs cicatrices.